إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد. Donc on continue avec le cours aujourd'hui qui est le cours 20, numéro 23 dans l'explication de Al-Fatwa Al-Hamawiyya Al-Kubra de Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah, avec les commentaires et les explications de Fadilat al-Sheikh Dr. Salih Ibn Fawzan Al-Fawzan, qui s'intitule التعليقات التوضيحية على مقدمة الفتوى الحموية. Et on est donc arrivé maintenant à un point bien spécifique dans le livre de la fatwa al-hamawiyya, et on va commencer donc maintenant à expliquer quels sont les principes des salafs au sujet des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, quelles sont leurs règles et leurs principes vis-à-vis de ces attributs-là et vis-à-vis de cet aspect de la aqida et du tawhid. Dans qu'est-ce qui a précédé, on a parlé beaucoup des égarements et des shubuhat, des principes des gens de bid'ah parmi les gens de kalam. On a expliqué leurs égarements, leurs shubuhat, des exemples de ça. C'est quoi leur base et leur fondement et leur principe. On a clarifié ça, on a expliqué ça. On a expliqué aussi l'origine de leurs idées et leurs croyances par rapport aux attributs d'Allah. Et donc maintenant, on rentre dans une autre partie du livre où le Cheikh maintenant explique quelles sont les bases et les principes d'Ahl Sunnah et des Salafs à ce sujet-là. Donc Ibn Taymiyyah, il dit dans cette partie, il dit فصل ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو بما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم وبما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. Donc, Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit ensuite, donc, dans ce chapitre, il dit, puis, la parole globale ou générale qui résume la position des salafs dans tout ce chapitre, c'est qu'on doit décrire Allah subhanahu wa ta'ala et donner à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs qu'il s'est donné à lui-même. Et on doit le décrire tel qu'il s'est décrit lui-même. Donc ça, c'est premièrement. Ensuite, on doit le décrire tel que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit. Donc ça, c'est ensuite. Donc on le décrit Allah tel qu'il s'est décrit lui-même. Ou on décrit Allah tel que son messager, le messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit dans la sunnah. أو بما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. Ou on le décrit tel que les premiers d'entre les croyants, ceux qui ont précédé dans la foi, l'ont décrit sans dépasser le Coran et le Hadith. C'est-à-dire, on ne sort pas de ce qui est mentionné à propos d'Allah dans le Coran et dans le Hadith. Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet, « Lamma faragha al-Sheikh rahimahullah min al-muqaddimati » انتقل إلى بداية الجواب الذي سئل عنه وهو ما القول في أسماء الله وصفاته الواردة في الكتاب والسنة وضع قاعدة للجواب فقال الأصل في هذا أن ما جاء في الكتاب والسنة فهو حق على حقيقته الحمد لله. Donc il dit le Cheikh Al-aslu fi hada faqal al-aslu fi hada annama ja'a fi al-kitab wa sunnah fa huwa haqqun ala haqiqatihi nuthbituhu lillahi azza wa jalla min ghayri tahrifin wala ta'til wa min ghayri takyif wala tamthil. Hadhihi hiya al-qa'idatul 'azima fi hadha al-bab. ما جاء في الكتاب والسنة أو ما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسماء الله وصفاته فإننا نثبته من غير أن نتدخل بأفكارنا وآرائنا فلا نحرف كلام الله عن مواضعه ولا نعطل أسماء الله وصفاته ثم أيضا لا نشبه أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاتهم. Donc le Cheikh Al-Fawzan il dit, puis Cheikh Al-Islam Ibn Taymiyyah, lorsqu'il a terminé l'introduction du livre qu'on a lu jusqu'à maintenant, il passe maintenant au début de la réponse au sujet de laquelle on l'a questionné, c'est-à-dire quelle est la position au sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. Et il a établi une règle pour répondre, hein, et pour cette réponse. Et donc il commence en disant que la base, c'est ce qui est rapporté, la base pour croire en Allah subhanahu wa ta'ala et pour croire en ses noms et en ses attributs, c'est de croire en ce qui est rapporté à ce sujet dans le Coran et dans la Sunna. Et il faut croire que tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna à ce sujet, c'est véridique, c'est la vérité, et on doit le prendre dans son sens réel, on doit le prendre dans sa réalité. Ensuite il dit, et nous l'affirmons, nous affirmons à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est affirmé lui-même, ou ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé par rapport aux attributs d'Allah, sans faire de tahrif, sans faire de ta'til, sans faire de takyif et sans faire de tamthil. Donc ça, c'est les règles qui sont rapportées par les ulama d'Ahl al-Sunnah au sujet de la façon dont on doit croire aux noms et aux attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il faut respecter ce qui est mentionné dans cette règle. On affirme ce que Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même dans le Coran et dans la Sunna. Et on nie à Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il s'est nié pour lui-même dans le Coran et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nié à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la Sunna. Sauf qu'on doit respecter en affirmant et en niant ce qu'on vient de mentionner, on doit respecter les quatre règles suivantes, ou les quatre principes suivants. On ne fait pas de tahrif, on ne fait pas de ta'til, on ne fait pas de takif et on ne fait pas de tamthil. Hein? Donc ça, c'est très important. On ne fait pas de tahrif, on ne fait pas de ta'til, on ne fait pas de takif et on ne fait pas de tamthil. Je vais le répéter encore une fois. On ne fait pas de tahrif, on ne fait pas de ta'til, on ne fait pas de takif et on ne fait pas de tamthil. Et qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais donner la définition, la traduction de chacun de ces mots-là, pour qu'on les comprenne. Donc le tahrif, c'est le fait de déformer le sens des mots, et des attributs, hein, de changer leur sens et de leur donner un sens différent de ce que ces mots-là signifient réellement dans la langue arabe, ou différent de ce qui est mentionné par rapport au contexte, hein, de qu'est-ce qui est écrit dans le verset, et de déformer l'attribut de son sens. Ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle at-tahrif. Ok? Et il y a aussi le terme ensuite, c'est at-ta'til. Et at-ta'til, c'est en fait de nier l'attribut, hein, de nier l'attribut. C'est une forme de négation. At-ta'til. Ensuite, il y a le terme takif qui est employé, qui vient de kaif, hein. Ça veut dire comme, ça vient du fait de demander comment est quelque chose. Comment est quelque chose. Donc, en fait, de chercher à savoir sa description, hein, et de savoir le comment. Et donc, on dit en arabe, at-takif. Donc, de poser la question à propos des noms et des attributs d'Allah sur le comment. Comment sont les attributs d'Allah? Ça, c'est quelque chose qui est interdit. Et le dernier, c'est at-tamthil. Et at-tamthil, c'est le fait de faire des comparaisons, hein, de faire une comparaison et de comparer ou de faire ressembler une chose à une autre. Et dans le contexte ici, c'est le fait de faire ressembler ou de comparer Allah avec sa création, ou de comparer la création à Allah et de faire ressembler la création à Allah, ou de donner à la création des attributs d'Allah, des attributs divins, ou le contraire, de donner des attributs de la création au créateur, faire ressembler le créateur à la créature ou la créature au créateur. Donc ça, c'est qu'est-ce qu'on appelle at-tamthil. Donc ça, c'est les quatre règles, et on n'a pas le droit de faire ces quatre choses-là quand on parle des noms et des attributs d'Allah. On n'a pas le droit de faire l'une de ces choses-là. Si on s'abstient de faire ces quatre choses, alors on est sur la voie de Ahl al-Sunnah wal Jama'a. On affirme ce que Allah a affirmé et on nie ce que Allah subhanahu wa ta'ala a nié en respectant ces quatre règles. Hein? On ne fait pas de tahrif, on ne fait pas de ta'til, donc ça veut dire on déforme pas le sens des attributs et on ne nie pas l'attribut, on ne vide pas l'attribut de sa signification et de son sens. Et on fait pas de takif et on fait pas de tamthil. C'est-à-dire on ne demande pas le comment, il y en a à propos des attributs d'Allah, et on n'essaie pas non plus de l'imaginer dans notre esprit. Et on fait pas de ressemblance ou de comparaison entre Allah et sa création. Le cheikh, il dit que cette règle, cette grande règle, par rapport à ce domaine ou à ce sujet, les noms et les attributs d'Allah, c'est qu'est-ce qui a été rapporté dans le livre d'Allah et dans la sunna du messager, sallallahu alayhi wa sallam, à propos des noms et des attributs. Donc, le cheikh, il dit, فَإِنَّنَا نُثْبِتُهُ مِنْ غَيْرِ أَن نَتَدَخَّلْ بِأَفْكَارِنَا وَآرَائِنَا. C'est-à-dire, on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala ce que Allah s'est affirmé pour lui-même comme attribut, sans essayer de rentrer dans ces questions-là avec nos propres idées et nos propres opinions et nos propres pensées, sans déformer la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala de son sens et de son contexte, sans vider les noms et les attributs d'Allah de leur signification et sans les nier, et également sans faire de ressemblance entre les noms d'Allah et ses attributs et les noms des créatures et leurs attributs. Donc si on respecte ça, eh bien on est sur la bonne voie. On est sur la voie d'Ahl al-Sunnah wal-Jama'a et sur la aqidah des salafs en cette question-là. Et on a quitté ou on s'est écarté de la voie des gens de kalam et des gens de bid'a parmi les groupes d'égarements qui ont dévié dans les noms et dans les attributs d'Allah, comme par exemple les Jahmiyyah, qui ont nié les noms et les attributs, hein, ce sont les plus extrémistes dans cette question. Ensuite, il y a les Mu'tazila qui viennent tout de suite en dessous, hein, parce que ils sont aussi parmi les égarés, parmi les sectes qui ont dévié dans cette question. Et eux, ils ont nié les attributs d'Allah au complet, sauf qu'ils ont affirmé des noms. Ils ont affirmé des noms. Et il y a ensuite un autre qui vient en dessous, un autre secte qui vient en dessous, c'est la secte des Asha'ira, des Maturidiyya. Et ceux-là, ils ont nié la plupart des attributs et ils en ont affirmé 7 seulement. Ils ont affirmé les noms, mais ils ont affirmé 7 attributs puis ils ont nié les autres. Donc, c'est pour ça que tu vas voir, par exemple, quand Cheikh l'Islam il parle des Asha'ira et des Maturidiyya, il dit relativement, pour comprendre qu'est-ce qu'il explique à ce sujet-là, c'est qu'il dit que les Asha'ira sont parmi les différentes sectes d'égarement, celle qui est plus proche de Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Et quand il dit ça, c'est par comparaison par rapport au Jahmiya et par rapport au Mu'tazila. C'est-à-dire que par rapport au Jahmiya et par rapport au Mu'tazila, ils sont plus proches de la position de Ahl Sunnah wal Jama'ah parce qu'ils affirment les noms d'Allah et ils affirment quelques attributs. Tandis que les autres nient toutes les attributs. Et les Jahmiya nient tous les noms, tandis que les Mu'tazila affirment les noms, mais ils nient les attributs. Tandis que les Asha'ira et les Maturidiyya, ils affirment les noms, mais ils affirment 7 attributs. Et ils nient les autres. Donc ils sont plus proches puisqu'ils affirment, au moins ils affirment 7 attributs, tandis que les autres, non. Et dans ce sens-là, donc, on peut dire qu'ils sont plus proches. Mais ça ne veut pas dire qu'ils font partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Hein? Contrairement à ce que certaines personnes imaginent ou pensent. Donc ils ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a. Hein? Ce sont parmi les sectes d'égarement qui ont dévié au sujet des noms et des attributs et au sujet de d'autres questions aussi par rapport à la Aqida, par rapport par exemple au Qadar. Ils ont dévié dans le Qadar, ils ont dévié aussi dans Al-Iman et la définition de la foi, hein, ils sont proches de la position des Murji'a, hein, dans la question des noms et des attributs dans la question de la foi, de la définition de la foi. Ils sont proches des Murji'a. Dans la question du Qadar, ils sont plus proches des Jabriya, hein, de la position des Jabriya. Et dans le Tawhid, eh bien, ils affirment uniquement Tawhid al-Rububiyya. Hein, ils n'affirment pas Tawhid al-Ibada. Et ils ont aussi d'autres points sur lesquels ils ont des questions, des problèmes dans lesquels ils ont dévié. Mais donc, c'est pour dire qu'ils ne font pas partie d'Ahl Sunnah wal-Jama'a, même si eux, ils prétendent que ce sont eux seulement qui représentent Ahl Sunnah al-Jama'a, ou quand ils définissent Ahl Sunnah al-Jama'a, ils prétendent que ce sont eux. Hein, ils prétendent que ce sont eux. Ils disent, par exemple, dans certains de leurs livres, ils vont dire que Ahl Sunnah al-Jama'a sont composés de 3 groupes. Hein, ils disent Ahl Sunnah al-Jama'a sont composés de 3 groupes, ou ils sont représentés par 3 groupes. Ils disent, par exemple, ils disent les salafs. Hein, ils disent les Ahl Sunnah al-Jama'a sont 3 groupes. Ils disent les salafs. Ensuite, ils disent les Asha'ira. Et ensuite, ils disent les Maturidiyya. Ils disent ces 3 groupes-là représentent ou sont Ahl Sunnah al-Jama'a. Et la vérité, comme Cheikh Ibn Uthaymeen l'a expliqué dans son charh de Al-Aqidat al-Wasitiyya, il a expliqué que c'est pas vrai. Ahl Sunnah wal Jama'a ne sont pas 3 groupes. Ahl Sunnah wal Jama'a sont uniquement un seul et unique groupe. Ils ne peuvent pas se diviser. Ils ne peuvent pas être plus qu'un seul groupe. Les gens qui suivent la voie des salafs, ce sont eux, Ahl Sunnah wal Jama'a. Et tandis que les Asha'ira et les Maturidiyya ont dévié de la voie des salafs. Et donc, ils ne font pas partie d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Parce que les salafs affirmaient toutes les attributs d'Allah. Et il ne faisait pas de tahrif, il ne faisait pas de takyif, il ne faisait pas de ta'til, et il ne faisait pas non plus de tamthil. Donc, les Asha'ira et les Maturidiyya ne font pas partie de Ahl Sunnah wal Jama'a, même s'ils sont plus proches que les Jahmiyya et les Mu'tazila. Et donc, il ne faut pas s'imaginer que Ibn Taymiyyah est en train de dire que parce qu'ils sont plus proches, ils sont corrects. Ça ne veut pas dire qu'ils sont corrects. Hein, il parle de façon relative. C'est comme quand Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran que les gens qui détestent le plus les croyants sont les juifs et les mushrikines, les gens qui font le shirk. Puis il dit ensuite dans le verset, en surat al-Ma'ida, que ceux qui sont plus proches des croyants et qui sont plus, yani, qui aiment plus les croyants ou qui sont plus proches des croyants sont ceux qui disent qu'ils sont chrétiens, hein, qui sont nasara. Et il ne faut pas comprendre dans ce verset-là que ça veut dire que les chrétiens sont corrects, que ce ne sont pas des kuffars ou que ce ne sont pas des mouchriquines. Hein. C'est par rapport, hein, c'est relatif. C'est-à-dire que les juifs et les mouchriquines, ils détestent les musulmans plus. Mais il y a parmi les chrétiens aussi qui détestent, hein, les musulmans aussi, même parfois plus que certains juifs ou pas, plus que certains mouchriquines aussi. Mais de façon générale, ils sont plus proches des musulmans. Ils ont moins de haine pour les musulmans que les juifs et les mouchriquines. Donc, il faut comprendre les choses comme il faut. Et, na'am. D'accord. Donc, ensuite, Cheikh Al-Fawzan dit « ثُمَّ بَيَّنَا مَا يَقُولُهُ سَلَفُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهُوَ أَنَّهُمْ يُثْبِتُونَ ما جاء في الكتاب والسنة يثبتون ما جاء في الكتاب والسنة لا يتعدون الكتاب والسنة في أسماء الله وصفاته فما قاله الله ورسوله قالوا به وما نفاه الله ورسوله نفوه ما لم يرد في الكتاب والسنة وما لم يرد في الكتاب والسنة سكتوا عنه ولم يدخلوا فيه. Donc le cheikh il dit, puis ensuite le cheikh explique que yani, il explique qu'est-ce que les salaf de cette umma ont dit à propos des attributs d'Allah, et ils ont dit que on doit affirmer, ou bien ils ont affirmé ce qui est rapporté dans le Coran et dans la Sunna à propos d'Allah, de ses noms et de ses attributs. Et il ne dépasse pas ce qui est dans le Coran et dans la Sunna à propos des noms et des attributs. Ce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit, ainsi que son messager, ils le disent. C'est-à-dire, ils disent uniquement ce que Allah et son messager ont dit à ce sujet-là. Et ce que Allah et son messager ont nié, ils le nient. Et ce qui n'est pas mentionné ni dans le Coran ni dans la Sunna, il se taise à son sujet. Et il n'y entre pas. Hein, il n'entre pas dans ce qui n'est pas mentionné ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ça, c'est une règle. C'est chez les salafs. Et il rapporte à ce sujet-là une parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal. On va la lire ensemble, mais avant de la lire, on va lire les paroles du Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi dans son charh de Al-Hamawiyya, Al-Fatwa Al-Hamawiyya. Le Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi, il dit dans son livre Al-Nafahat al-Miskiyya, le ta'liq ala Al-Fatwa Al-Hamawiyya, il dit au sujet de la règle qu'on vient d'expliquer, il dit « هذه القاعدة هي الأصل في الباب هي الأصل في باب أسماء الله والصفات هي الأصل في باب الأسماء والصفات وهي أن يوصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله وينفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز القرآن والحديث وكذلك السلف الصالح ساروا على هذا المنهج Donc le Cheikh Al-Rajih, il dit, c'est cela qui est la règle, hein, et c'est ça la base au sujet des noms et des attributs. C'est-à-dire qu'on décrit Allah tel qu'il s'est décrit lui-même, ou tel qu'il a été décrit par son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Et on nie à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala ce qu'il a nié pour lui-même, à propos de sa personne, ou ce que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, a nié à son sujet, par rapport aux noms et aux attributs. Et on ne dépasse pas ce qui est dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire, on ne va pas affirmer des noms et des attributs qui ne sont pas mentionnés dans le Coran et dans la Sunna, et on ne va pas les nier, on ne va pas nier des noms et des attributs qui ne sont pas mentionnés dans le Coran et dans la Sunna. C'est-à-dire, si c'est dans le Coran et dans la Sunna que c'est affirmé à propos d'Allah, on l'affirme. Si c'est un nom, un attribut qui est nié, c'est quelque chose qui est nié à propos d'Allah dans le Coran, dans la Sunna, eh bien on le nie. Mais si c'est quelque chose qui n'est pas nié, ni affirmé, eh bien on ne va pas le nier et on ne va pas l'affirmer non plus. On se tait et on ne dépasse pas la révélation dans ces questions-là. Ensuite, le Cheikh Al-Rajih, il continue. Il dit « هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات » وهي أنه لا يثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله وينفى عنه ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc il répète la règle, hein, et c'est toujours bien de répéter parce que c'est des choses qui doivent être comprises, et le plus on le répète, plus ça va rester dans notre esprit et ça va rester dans notre mémoire et dans notre compréhension. Donc il dit cette règle à propos du domaine ou des questions des noms et des attributs, voici la règle, c'est qu'on affirme, on n'affirme pas à propos d'Allah excepté ce qui est rapporté par plutôt on n'affirme pas à propos d'Allah excepté ce qui est affirmé dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce que Allah s'est affirmé pour lui-même ou qu'est-ce que son messager a affirmé, hein? C'est-à-dire on affirme uniquement ce qui est affirmé par Allah et par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et de même que on nie à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala uniquement ce qu'il a nié à propos de lui-même, c'est-à-dire ce que Allah et son messager ont nié, eh bien on le nie. Ça c'est les deux bases, hein, les deux principes. Ensuite, il dit wa amma al-ashya wal-alfaz allati lam tuthbat la nafyan wala ithbatan fayatawaqqafu fiha. Et ça c'est un autre point ensuite, comme je disais tout à l'heure, comme on l'a expliqué, que si c'est des termes ou des mots ou des choses qui n'ont pas été ni affirmées ni niées dans la révélation, eh bien, on ne doit pas ni les affirmer, ni les nier, nous aussi. Et on s'arrête. On ne dépasse pas la limite par rapport à ces questions-là. Et il donne des exemples, Cheikh. Des exemples de termes et de mots qui ont été utilisés par les philosophes, par les gens de Kalam, pour parler à propos d'Allah. Et ils ont utilisé ces termes-là qui ne sont pas mentionnés dans le Coran, qui ne sont pas mentionnés dans la Sunna à propos d'Allah, et ils sont entrés dans ces termes-là pour parler d'Allah. Hein? Et ils donnent des exemples. مثل الجسم والحيز والعرض والجهة وما أشبه ذلك فإن هذه الألفاظ لا تثبت ولا تنفى ومن أطلقها نفيا أو إثباتا فيستفسر ويسأل عن مراده منها. Donc le Cheikh il dit, en ce qui concerne les choses et les termes qui ne sont pas affirmés ou niés dans la révélation à propos d'Allah, c'est-à-dire on les dans le Coran et dans la Sunna, on mentionne pas que c'est quelque chose qui est affirmé à Allah. Et on ne mentionne pas que c'est quelque chose qui est nié. Ce n'est pas écrit dans le Coran, ce n'est pas écrit dans la Sunna que Allah a cet attribut-là ou qu'il ne l'a pas. Ce n'est pas nié et ce n'est pas affirmé. Il n'y a rien qui est mentionné à ce sujet-là et ces termes-là sont pas écrits, sont pas mentionnés dans la révélation. Elles sont ni affirmées ni niées. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Eh bien, on s'arrête et on les affirme pas, puis on les nie pas non plus, hein? Parce qu'on sait pas, on a aucune connaissance au sujet de ces choses-là. Et les exemples qu'il a mentionnés, le cheikh, c'est les exemples qui sont mentionnés dans les livres des gens de Kalam, dans les livres des Asha'ira, dans les livres des Maturidiya, dans les livres des Mu'tazila et des Jahmiya. Ils vont mentionner par exemple le terme jism ou hayyiz ou al-arad ou al-jiha. Ça veut dire par exemple le corps et les limitations ou la direction ou les incidents ou l'accident, hein, ou les atteignants, des choses comme ça. Donc ils disent par exemple dans leur livre, Allah n'a pas de corps, Allah n'a pas de limite, Allah n'a pas de direction, hein. Et ils disent par exemple, celui qui dit que Allah a un corps, ou celui qui dit que Allah a une direction, ou celui qui dit que Allah subhanahu wa ta'ala a une limite, alors celui-là, il est kafir, ou celui-là, il est un mushabbih, hein, parce qu'il a, il dit, il a fait ressembler Allah à sa création et des choses de ce genre. Donc, nous, on dit, on n'a pas le droit d'utiliser ces termes. C'est haram. On n'a pas le droit de parler d'Allah de cette façon. De dire, Allah, est-ce que Allah a un corps ou non? Est-ce que Allah a une limite ou non? Est-ce que Allah a une direction ou non? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala a une couleur ou non? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala est chaud ou est froid? Est-ce que il est, hein? Ça, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de dire parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne nous a pas parlé de ces choses-là. Et il n'a pas mentionné ces choses-là dans la révélation. Donc, si tu vas l'affirmer, si tu l'affirmes, tu risques de t'égarer, hein? Parce que tu parles à propos d'Allah sans science. Et si tu le nies, eh bien, tu risques de t'égarer aussi parce que tu parles à propos d'Allah sans connaissance. Et c'est comme Cheikh Ibn Uthaymeen, quand il a expliqué dans son charh de Al-Hamawiyya, quand il a expliqué, il a fait le charh de Al-Hamawiyya, il a donné un exemple. Il a dit, si quelqu'un il est dans sa maison, hein, il sait qu'est-ce qu'il y a dans sa maison. Donc, quand tu le rencontres, il te dit, dans ma maison, j'ai, par exemple, hein, je donne un exemple, il dit, dans ma maison, j'ai une chaise bleue. Mais toi, t'es jamais allé chez lui. Donc, la seule chose que tu peux dire par rapport à qu'est-ce qui est dans sa maison, c'est qu'il a une chaise bleue. Est-ce que tu as le droit de dire qu'il a un sofa rouge? Si tu dis qu'il a un sofa rouge, tu parles sans connaissance parce qu'il t'a dit seulement qu'il a une chaise bleue. Hein? Donc, si tu dis qu'il a un sofa rouge, tu parles sans connaissance. Et si tu dis il a pas de sofa rouge, tu parles sans connaissance aussi, parce que tu ne sais pas ce qu'il a ou ce qu'il n'a pas. Donc, c'est un exemple que le cheikh Ibn Uthaymeen donnait pour nous faire comprendre qu'on n'a pas le droit d'affirmer ou de nier quelque chose à propos d'Allah, sauf si on a la preuve que cette chose-là, elle a été affirmée ou niée par Allah subhanahu wa ta'ala lui-même ou par son messager, sallallahu alayhi wa sallam, dans la sunna authentique. Sinon, on s'abstient et on s'arrête. Hein? Et donc, on va le dire aux gens de Kalam. Non, on n'a pas le droit de dire ça, d'utiliser ces termes-là, de parler de corps, de limite, de direction. Ça, à la base, c'est quelque chose qui est bid'a. C'est une bid'a de les utiliser parce que ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais parlé de ça, et ni les sahaba non plus. Donc, d'ajouter ou d'inventer des nouveaux termes pour parler d'Allah, pour les nier ou pour les affirmer, ça rentre dans l'innovation, ça rentre dans la bid'a, et c'est interdit, hein, de les utiliser. Ensuite, le cheikh il dit, نعم, il dit فإن هذه الألفاظ لا تثبت, hein, لا تثبت ولا تنفى. Donc il dit que ces termes-là, ils ne doivent ni être affirmés, ni être niés. وَمَنْ أَطْلَقَهَا نَفْيًا أو إثباتا فيستفسر ويسأل عن مراده منها. Donc, celui qui a affirmé ou qui a utilisé, qui a employé ces termes-là pour parler d'Allah, soit en négation ou en affirmation, c'est-à-dire soit il a affirmé ou il a nié, on lui demande et on le questionne sur son intention. Qu'est-ce qu'il a voulu? Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ces termes? Hein? Donc, si par exemple, le cheikh il dit, فَإِنْ أَرَادَ مَعْنَى الْحَقِّ قُبِلَ وَيُرَدُّ اللَّفْظُ فَإِذَا أَطْلَقَ مَثَلًا فَقَالَ إِنَّ لِلَّهِ جِسْمًا فَنَقُولُ مَا مُرَادُكَ مِنْ جِسْمٍ فَإِذَا قَالَ إِنَّ الْمُرَادَ إِنَّهُ مُتَّصِفٌ بِالصِّفَاتِ فَنَقُولُ إِنَّ هَذَا الْمَعْنَى حَقٌّ وَلَكِنْ لَا تَقُلْ جِسْمٌ لِأَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لم يرد في الكتاب والسنة وإذا قال ليس بجسم فنقول ما مرادك فإذا قال مرادي أنه منزه عن النقائص قلنا هذا حق وإذا قال مرادي ليس بجسم أي ليس له صفات فيكون هذا باطلا أي اللفظ باطل والمعنى باطل وهكذا القول في الألفاظ التي هي من هذا الباب. Donc, le cheikh al-Rajihi, il donne un exemple. Il dit, par exemple, c'est-à-dire, si quelqu'un utilise un de ces termes pour parler d'Allah, et ce terme, il n'est pas mentionné dans la révélation. C'est un terme innové, un terme interdit. Et lui, il l'utilise, il le nie ou il l'affirme, comme les gens de Bid'a, comme les Asha'ira, comme les Ahbash, comme les Maturidiyah, et ainsi de suite. Hein? Comment on sait que ce terme est interdit? Comment on sait qu'on n'a pas le droit de l'utiliser? Eh bien, on le sait parce qu'il n'est pas mentionné dans la révélation. Hein? Donc, on dit, non, tu n'as pas le droit de dire ça, ou d'affirmer, ou de le nier. Tu n'as pas le droit, puisque Allah, il ne l'a pas dit. Donc, mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est quoi la signification de ce terme? Parce que, comme les ulama, ils disent, ça fait partie des termes qui sont mujmal. Qui sont mujmal. Ça veut dire quoi, mujmal? Ça veut dire que ça peut impliquer une signification qui est vraie, et ça peut également impliquer une signification qui est fausse. On sait que l'utilisation et l'emploi du terme lui-même, c'est une bid'a et c'est haram. Sauf que, il peut impliquer une signification vraie ou une signification fausse. Donc, le cheikh, il dit, cheikh Raj, il dit ici, si il utilise ce terme, on rejette l'emploi du terme. Et on lui mentionne que ce terme-là est interdit. On n'a pas le droit de l'utiliser. Sauf qu'on va lui demander qu'est-ce qu'il veut dire par ce terme. C'est quoi, pourquoi il l'emploie, dans quel sens? Hein? Et là, le cheikh dit, si le sens dans lequel il l'utilise est un sens qui est véridique et qui est vrai, dans ce cas-là, on va accepter le sens tout en rejetant le mot et le terme qui est employé, parce qu'il est interdit, c'est une bid'a. Et il donne un exemple avec le terme corps, hein, al-jism. En arabe, on dit jism. Donc, si par exemple, le cheikh il dit, par exemple, si il dit Allah a un corps, quelqu'un parle à propos d'Allah, puis il dit il a un corps. Donc, le cheikh il dit dans ce cas-là, tu lui poses la question. Qu'est-ce que tu... Parce qu'on lui dit, ça c'est interdit. Premièrement, tu lui dis, ça c'est interdit d'utiliser ce terme-là et de parler à propos d'Allah en disant qu'il a un corps ou en disant qu'il n'a pas de corps. C'est interdit pour quelle raison? C'est interdit parce que c'est quelque chose qui n'a pas été mentionné par Allah subhanahu wa ta'ala ni par le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths authentiques. Ni en affirmation, ni en négation. Donc c'est une bid'a et on n'a pas le droit. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ce terme? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Donc, le cheikh, il dit, si, lorsqu'on lui demande la signification, il dit, cela signifie, par exemple, quand je dis que, s'il répond, par exemple, je dis que Allah a un corps, dans le sens que, il est décrit par des attributs. C'est-à-dire, il possède des attributs. Et il est décrit par des attributs. Dans ce cas-là, on lui répond et on lui dit, oui, ce que tu dis, c'est vrai dans ce sens-là. Si tu dis qu'il a un corps dans le sens qu'il a des attributs et qu'on le décrit par les attributs qu'il s'est donné lui-même ou que le messager d'Allah lui a donné, dans ce cas-là, cette signification-là, elle est vraie parce qu'effectivement, Allah possède des attributs et il est décrit par des attributs. Donc, on accepte cette signification-là. Mais le terme jism ou corps, il est rejeté et il est interdit. Et on n'a pas le droit de l'employer parce que c'est une bid'ah et parce que c'est interdit de parler à propos d'Allah sans preuve et sans science. Hein? Donc, ça, c'est un exemple. Il donne un autre exemple aussi. Il dit, si lorsqu'on lui demande, par exemple, on parle avec lui et il dit, Allah n'a pas de corps. Laysa bi jism. Il parle à propos d'Allah et il dit, Allah n'a pas de corps. Donc on lui demande, en premier on lui dit, ça, c'est pas permis de le dire parce que c'est un terme qui n'est pas mentionné ni dans le Coran, ni dans la Sunna, ni en affirmation, ni en négation. Donc c'est une bid'ah et c'est interdit. Mais qu'est-ce que tu veux dire par ce terme? Quand tu dis que Allah n'a pas de corps ou qu'il n'a pas de jism, c'est dans quel sens que tu dis ça? Donc s'il répond et qu'il dit, je le dis dans le sens que Allah est purifié et exempt de tout défaut et de toute faiblesse et de toute imperfection, dans ce cas-là, on lui répond et on lui dit, oui, cette signification-là, elle est réelle, elle est vraie, puisque Allah subhanahu wa ta'ala n'a aucun défaut, aucune imperfection et aucune faiblesse. Donc il est exempt de tout ça et il est purifié de ce genre de choses. Donc on dit oui. Si tu veux dire que quand tu dis qu'il n'a pas de corps, tu le dis dans ce sens-là, alors nous on te dit cette signification, elle est correcte. Sauf que on n'a pas le droit d'employer le terme parce que c'est un terme qui ne fait pas partie des choses qui ont été mentionnées par Allah et par son messager et c'est des termes qui sont mujmal. Ça veut dire qu'ils peuvent avoir une signification vraie ou fausse. Et nous, on ne peut pas savoir, quand quelqu'un l'emploie directement, qu'est-ce qu'il veut dire, lui. Peut-être que toi, tu veux dire une signification qui est bonne. Mais l'autre qui le dit, il le dit dans un sens qui est faux. Et donc, on ne peut pas savoir, juste par l'utilisation du terme, ce que ça signifie. Donc, c'est interdit de l'utiliser. Et en plus, c'est une bid'ah. Parce que ni Allah subhanahu wa ta'ala ne l'a utilisé dans le Coran et ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a jamais employé ou utilisé pour parler d'Allah dans la sunna authentique. Donc c'est une innovation, c'est une bid'ah et on n'a pas le droit de l'employer ou de l'utiliser. Hein? Et il dit, et si lorsqu'on lui demande, lorsqu'il dit par exemple que Allah n'est pas un corps, on lui demande qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et qu'il dit que ça signifie que Allah n'a pas d'attributs, hein, comme les, par exemple, comme les Mu'tazila, ou bien comme les, par exemple, les Jahmiya et les Mu'tazila qui nient les attributs d'Allah, ou bien parfois même les Asha'ira, les Asha'ira et les Maturidiya, eux aussi, ils vont utiliser ce terme. Ils vont dire, par exemple, Allah n'a pas de corps. Et eux, ils l'utilisent pour nier l'attribut. Ils vont dire, quand on dit que, ils disent par exemple, quand on dit que Allah n'a pas de corps, ça veut dire, par exemple, que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas une main, n'a pas deux yeux, n'a pas d'ouïe, hein. Ou bien ils vont nier, par exemple, le fait que Allah est au-dessus de son trône. Donc, ils l'utilisent dans le but de nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que c'est dangereux d'utiliser des termes qui sont mujmal. Parce que la personne qui l'utilise, elle peut l'utiliser dans un sens qui est vrai et elle peut l'utiliser dans un sens qui est faux. Et nous, on n'a aucun moyen de savoir, excepté hein, de lui demander dans quel sens elle l'utilise. Et si la personne, elle répond par une signification qui est fausse, là, on sait que la personne, elle dit quelque chose qui est contraire au Coran et à la Sunna, donc on le rejette. Comme ici, lorsque la personne, elle dit que, quand il dit que Allah n'a pas de corps, ça veut dire qu'il n'a pas d'attributs. Nous on dit ça, c'est batil. Hein? Donc le cheikh Al-Rajihi, il dit non seulement le terme est batil, puisque le terme corps, on n'a pas le droit de l'utiliser, on n'a pas le droit de l'employer pour parler à propos d'Allah, mais même la signification qu'il donne à ce terme-là, elle est fausse aussi. La signification est fausse aussi. Hein? Donc, le terme et la signification est fausse dans ce sens-là. Hein? Donc, il dit, ça c'est la manière dont on traite ce genre de terme. Et c'est de cette manière-là qu'on agit pour tous les termes qui sont innovés. Pour tous les termes qui sont innovés et qui ne font pas partie de ce qui a été mentionné à propos d'Allah dans le Coran et dans la Sunna. Donc cette règle-là, elle nous épargne et elle nous sauve de plein de complications et de plein de problèmes à propos de la compréhension des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, et elle nous aide également à réfuter plein de shubuhat, hein, aussi qui sont reliés à la question des noms et des attributs d'Allah, et elle nous aide même à répondre aussi aux shubuhat des gens de Kalam, des Asha'ira, des Maturidiyya, des Ahbash, des Mu'tazila et des Jahmiya. Et par exemple, pour vous donner un exemple aussi, par exemple par rapport à ça, la question par exemple de demander où est Allah. Vous allez parler avec des Ahbash ou avec des Asha'ira et vous leur posez la question, où est Allah? Et eux, quand tu leur poses cette question, ça les met hors d'eux-mêmes, ça les enrage, hein, et ils détestent entendre ce genre de questions. Et ils considèrent que c'est quelque chose qui est interdit et que c'est haram pour eux. C'est une bid'a de poser cette question et c'est haram. Nous, on leur répond à ce sujet-là et on leur dit non, c'est faux. C'est pas une bid'a et c'est pas interdit de demander où est Allah, parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même a posé cette question à la jeune esclave. Et elle a répondu que Allah subhanahu wa ta'ala est fissama, hein, dans les cieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'elle est une croyante quand elle a répondu ça. Donc, c'est la preuve que ce n'est pas interdit de poser la question et de demander où est Allah. Toutefois, d'utiliser des termes comme le corps ou la limite, ou l'espace ou l'endroit, hein, comme le font tout le temps les gens de Kalam, ils disent Allah n'a pas d'endroit, Allah n'a pas d'espace, Allah n'a pas de limite, Allah n'a pas de corps, Allah n'a pas de couleur, Allah n'a pas de, hein, Allah n'a pas de mouvement, Allah n'a pas de, tu dis subhanallah, c'est quoi ça? Toutes des négations qui n'ont aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans la Sunna. Et ce sont tous des termes qui sont mujmal. Tu ne sais pas ce que ça signifie. Est-ce que ça signifie quelque chose de vrai ou de faux? Tout ça, c'est des choses qui sont mujmal. Et on n'a pas le droit de les utiliser à propos d'Allah, ni en affirmation, ni en négation. Et l'erreur de certains parmi les gens d'égarement, lorsqu'ils ont voulu essayer de réfuter les Mu'tazila et les Jahmiya, c'est que lorsque les Mu'tazila et les Jahmiya ont nié quelque chose ou ont affirmé quelque chose, eux, ils ont tout de suite répondu dans la il y en a comme des réactionnaires. Hein? Et ils ont dit le contraire de ce que les autres ont dit, automatiquement. C'est comme par exemple, des koufars aujourd'hui, par exemple, quand ils utilisent des termes pour qualifier les musulmans, et ce sont des termes qui n'existent pas ni dans le Coran ni dans la Sunna. Ok? Donc, si tu les nies, ces choses-là, ou si tu les affirmes sans connaissance, ben, tu risques de nier quelque chose qui est vrai et d'affirmer quelque chose qui est faux. Et c'est ça le danger. C'est pour ça que tu dois, avant de répondre, avoir de la science, avoir de la compréhension, avoir de la connaissance et savoir ce que ces mots-là signifient en détail, avant de pouvoir le nier ou l'affirmer. C'est pour ça que tu vois que les hizbiyyins, hein, et les gens de bid'a aujourd'hui, ils tombent dans le piège des kuffars souvent, justement à cause de ça. Les kuffars, ils ont inventé plein d'idéologies nouvelles dans ce siècle et dans les siècles passés. Puis ils ont envahi les pays musulmans avec ces idéologies-là. Et beaucoup de musulmans, par ignorance de leur religion et par ignorance des ruses de ces kuffars, ont accepté de ces idées-là. Et même parfois, ils sont allés jusqu'à essayer d'interpréter l'islam, hein, pour que de déformer l'islam pour essayer de l'interpréter en accord avec ces idées des kuffars, sans avoir une réelle compréhension des principes de l'islam ou des principes des kuffars. Et c'est la même chose. Donc, les termes ambigus, les termes équivoques, les termes qui peuvent avoir un sens vrai ou faux, ou les termes qui ont un sens qui est faux, mais qui ont une apparence, hein, de quelque chose de bien ou de bon, c'est très dangereux de rentrer dans ces choses-là sans connaissance. Et beaucoup de gens se sont fait prendre au piège à ce sujet-là, et on voit que les shubuhat à ce sujet-là sont grandes, et donc il faut être très, très, y en avoir beaucoup de précautions, et faire attention à ces questions-là. Et c'est pour ça qu'il faut retourner aux ulama, et en particulier aux ulama de Ahl-Sunnah wal-Jama'a, qui suivent la compréhension des salafs, pour justement éviter de tomber dans ces pièges-là. Parce que les gens de bid'a, en général, ils tombent dans le piège. Naam. On va continuer donc avec la parole de Cheikh Ibn Taymiyyah, qui cite la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal. Donc il dit, « Wa qala l'imam Ahmad, rahimahullah, la yusafu Allahu illa bima wasafa bihi nafsa, أو بما وصف به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز القرآن والحديث. Donc l'imam Ahmad, il a dit, on ne décrit Allah que par ce qu'il s'est décrit lui-même. On ne décrit Allah que par ce qu'il s'est décrit lui-même, ou par ce qu'il a été décrit par son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et on ne dépasse pas le Coran et le Hadith. On ne dépasse pas le Coran et le Hadith. Donc ça, c'est très important. Et il dit, le Cheikh Al-Fawzan à ce sujet-là, il dit, « Wa min al-sabiqina min al-a'imma al-imam Ahmad » وهذه مقالته لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يتجاوز الكتاب والسنة لا تحرف الأدلة الواردة في ذلك من الكتاب والسنة عن معانيها. Donc le cheikh il dit, parmi les imams de l'islam qui ont précédé dans la voie dans l'islam, parmi les premiers imams de l'islam, il y a la parole de l'imam Ahmad ibn Hanbal, qui a dit cette parole célèbre, hein, qu'on ne doit pas décrire Allah excepté par ce qu'il s'est décrit lui-même, ou par ce que son messager sallallahu alayhi wa sallam l'a décrit, et on ne doit pas dépasser le Coran et la Sunna, et on ne doit pas non plus déformer les preuves qui ont été rapportées dans le Coran et dans la Sunna de leur sens. On ne doit pas déformer les preuves et les textes qui sont rapportés dans le Coran et dans la Sunna de leur sens réel. Ensuite, le Cheikh Ibn Taymiyyah il dit, wa madhhabu salaf annahum yasifun Allah bima wasafa bihi nafsah وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل. Donc le cheikh il dit, et la voix des salaf, là il explique c'est quoi la voix des salaf, il dit, et la voix des salaf à propos des noms et des attributs d'Allah, c'est qu'ils ne décrivent, c'est qu'ils décrivent Allah uniquement parce que Allah s'est décrit lui-même. Ou parce que son messager, sallallahu alayhi wa sallam, l'a décrit. Sans faire de tahrif ni de ta'til. Sans faire de tahrif ni de ta'til. Donc le cheikh Al-Fawzan il explique. At-tahrif, qu'est-ce que c'est? Il dit at-tahrif lahu ma'nayan. Donc le tahrif il a deux significations. Al-awwal tahrif al-lafz wa huwa taghyir al-lafz bi ziyadatin aw naqs. Donc la première signification de at-tahrif c'est de faire le tahrif du terme ou du mot lui-même. C'est-à-dire tu déformes le mot dans le texte en rajoutant une lettre ou en enlevant une lettre ou des lettres. Tu changes le mot en déformant les lettres et en déformant le mot lui-même. Ça, c'est une forme de tahrif. Et la deuxième, c'est tahrifun ma'nawi. Tahriful ma'na. وهو أن يفسر اللفظ بغير معناه الصحيح. C'est-à-dire que tu vas déformer, tu vas déformer le sens. Tu touches pas aux lettres, tu touches pas au mot lui-même, sauf que tu changes le sens du mot et sa signification. Et c'est-à-dire que tu vas donner au mot une signification qui est différente de sa signification réelle et correcte. Hein? Donc ça c'est dangereux. Ça c'est de l'égarement. Ensuite, Ibn Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah il dit: وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. وَمِنْ غَيْرِ تَكْيِيفٍ وَلَا تَمْثِيلٍ. Et on ne fait pas non plus de takyif et on ne fait pas de tamthil. Et التكييف c'est quoi? Le cheikh il dit التكييف هو البحث عن الكيفية بأن يتكلم عن كيفية الأسماء والصفات فيقول كيف استوى كيف يسمع كيف يبصر كيف يأتي يوم القيامة إلى آخره. C'est-à-dire que tu essaies de chercher le comment, comment Allah fait les choses, comment Allah subhanahu wa ta'ala par exemple, tu parles à propos de, du comment des noms et des attributs. Tu vas dire comment Allah s'est élevé au-dessus de son trône, comment Allah entend, comment Allah voit, comment Allah viendra au jour de la résurrection, et ainsi de suite. Donc ça c'est des exemples du fait de faire le takyif. Et ça c'est interdit. Je dis comment est la main d'Allah? Comment sont les doigts d'Allah? Et des questions comme ça. Comment sont ses yeux? T'as pas le droit de poser la question et t'as même pas le droit d'essayer de l'imaginer. Parce que tu peux pas les imaginer. Parce qu'il y a rien qui ressemble à Allah. Il y a rien comparable à lui. Donc, tu l'affirmes et tu y crois. Et tu t'arrêtes à ce qui est dans les textes. Ensuite, le cheikh, le cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, il dit, non, on va lire, il y a juste une petite parole de cheikh al-Rajih ici à ce sujet. Il répète, ou bien il explique ça. Il dit, وَلَا يُحَرِّفُونَ اللَّفْظَ وَلَا يُحَرِّفُونَ الْمَعْنَى. Il ne déforme pas le mot, les lettres du mot elles-mêmes, et il ne déforme pas la signification. وَلَا يُعَطِّلُونَ صِفَاتِ ولا يعطلون صفاته ولا ينفونها. C'est-à-dire ils vont pas nier les attributs d'Allah et ils vont pas les vider de leur sens. ولا يكيفونها فالتكييف بأن يقول القائل إن الله على كيفية كذا. C'est-à-dire ils vont pas demander le comment et dire Allah est de telle façon ou de telle façon, de décrire et de parler du commun des attributs. Ça c'est interdit. Et ensuite il dit wala tamthil يعني ومعنى قول ومعنى قوله أي لا يمثل لا يمثل بشيء من مخلوقاته. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de faire de comparaison, de comparer Allah subhanahu wa ta'ala à quoi que ce soit de sa création ou à faire des ressemblances entre Allah et sa création. كما قال الله كما قال سبحانه عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. C'est-à-dire, comme dans le verset 11 dans sourate Ash-Shura, Allah subhanahu wa ta'ala dit lui-même à propos de sa personne, il n'y a rien comme lui. Il n'y a rien comme lui et il est l'audient et le voyant. Donc, ça c'est la règle à ce sujet-là. Ensuite, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il continue et il dit ونعلم أن ما وصف وصف الله به من ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاج بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود المتكلم بكلامه لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في بيان العلم وأنصح الخلق في البيان والتعريف والدلالة والإرشاد. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit, et nous savons que ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a été décrit, c'est la vérité. Nous savons que ce par quoi Allah subhanahu wa ta'ala a été décrit dans la révélation, c'est-à-dire dans le Coran, dans la Sunna, que c'est ça la vérité. Et qu'il n'y a rien d'obscur, et qu'il n'y a rien de mystérieux dans ces significations-là. C'est-à-dire, ce n'est pas des codes ou des mots qui n'ont pas de signification. Hein? La signification de ce qui a été mentionné comme description d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna par rapport aux attributs d'Allah, c'est des choses claires, des choses connues dans la langue arabe. Leur signification est connue, hein, de la même manière que lorsque quelqu'un il parle, eh bien, on sait le but de sa parole et on sait l'objectif de sa parole. Hein? Donc, celui qui connaît la signification de ces mots-là et comment ces mots-là sont employés, il connaît la signification de ces mots-là et de ces termes-là et de ces attributs-là. Et en particulier, si on prend en considération le fait que la personne qui parle est la personne la plus savante de toutes les créatures à propos de ce qu'elle dit. Et qu'elle est la personne la plus éloquente de toutes les créatures dans le fait de clarifier la science. Et en plus, elle est la personne la plus sincère de toutes les créatures dans la clarification, dans la définition, dans l'indication et dans l'orientation. Hein? Et donc, c'est-à-dire que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hein, il parle, quand il utilise des termes, il sait ce qu'il dit. Et la signification des termes qu'il emploie, eh bien, elle est claire. Et on peut savoir ce qu'il veut dire par les termes qu'il a employés, du fait que c'est la personne, un, la plus savante, deux, la plus éloquente, et trois, la plus sincère. Hein? Donc, elle possède ces trois caractéristiques-là. Et donc, ça veut dire que, hein, elle parle avec science, elle parle avec éloquence et elle clarifie bien ce qu'elle veut dire. Et trois, elle est sincère, elle ment pas, elle trompe pas les gens. Et on va voir pourquoi le cheikh il explique ça. Déjà, on en a parlé dans l'introduction et on va comprendre par la suite. Le cheikh Al-Fawzan, il parle de ça. Il dit, أي نعتقد أن ما وصف الله به نفسه أنه على حقيقته وعلى ظاهره وعلى معناه المعلوم ولا نقول إنه على غير ظاهره كما تقوله المؤولة. Donc le cheikh il dit, nous croyons en ce que Allah subhanahu wa ta'ala a mentionné pour se décrire lui-même, hein, et en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala tel quel et dans son sens réel, hein, et dans sa signification, et on dit que sa signification elle est connue. On croit en ce que Allah a dit à propos de lui-même, hein, ainsi que son messager sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit à propos d'Allah, on y croit dans sa réalité, dans son sens apparent. Et on sait que la signification, hein, elle est connue. La signification de ces attributs-là, elle est connue. Et on ne dit pas, hein, on ne dit pas ce que disent les mu'awwila, hein, c'est-à-dire les gens qui font le ta'wil, c'est-à-dire qui déforment le sens des attributs d'Allah et qui prétendent, hein, que les attributs d'Allah ne sont pas dans leur sens réel. Mais il ne faut pas les prendre dans leur sens apparent. Hein? Donc on ne dit pas ça, nous. On ne dit pas que les attributs d'Allah qui sont mentionnés dans le Coran et dans la Sunna ne sont pas dans leur sens apparent. On dit, au contraire, on dit qu'on croit en Allah tel qu'il s'est décrit lui-même et que c'est dans les attributs qui sont mentionnés sont des attributs réels et que c'est dans leur sens apparent et que leur signification est connue. Donc c'est ça. Et ensuite il dit wala naqul innahu la ya'lamu ma'nahu illa Allah kama taquluhu al-mufawwida li'anna hadha ma'nahu anna Allah anzala 'alayna shay'an la na'lamu ma'nahu fayakunu hadha min al-ahaj wal-alghaz allati la tu'raf. والله عز وجل أمرنا بتدبر القرآن كله أو بتدبر القرآن نعم أمرنا بتدبر القرآن كله كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Donc le cheikh il dit que on ne dit pas non plus que on ne connaît pas la signification des attributs ou que personne ne connaît la signification des attributs d'Allah excepté Allah lui-même. On ne dit pas ça parce que la connaissance de la signification des attributs d'Allah elle est connue, hein, elle est claire. C'est des choses qui sont connues dans la langue arabe. Et ceux qui disent qu'on ne peut pas connaître la signification des attributs d'Allah, ce sont les mufawwida. Ce sont les mufawwida, hein, les gens de bid'a. Et si on disait ça, ça voudrait dire que, yani, si on disait qu'on ne pouvait pas comprendre la signification des attributs, ça voudrait dire que c'est des termes inconnus, qui sont employés comme des codes. Hein, comme du chinois, hein, ou bien des langues qu'on ne peut pas déchiffrer. Hein. Et donc, ça c'est contraire à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, puisque dans le Coran, il nous ordonne de méditer et de réfléchir sur les sens de ce qui a été révélé dans le Coran. Donc, si on ne peut pas savoir ce que les mots signifient, et si les mots sont comme du chinois ou des mots dans une langue, un langage codé que personne ne peut comprendre, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de sens. Hein? Il n'y a pas de sens au fait de nous ordonner de réfléchir sur cette révélation-là. Et c'est dans le verset, par exemple, 29, dans Surat Sad, Allah subhanahu wa ta'ala dit, un livre qui a été descendu sur toi, hein, qui est béni, pour qu'il réfléchisse sur ces versets et pour que ceux qui détiennent l'intelligence réfléchisse ou se souvienne, hein, se souvienne. Donc le cheikh il dit falawla anna al-Qur'an kulluhu yufhamu ma'nahu lama amarna Allah bitadabburihi fa kayfa ya'muruna bitadabburi shay'in la yu'rafu ma'nahu wa hadha muhal fa ma'na al-asma wa as-sifat ma'lum walakin kayfiyatuha majhoula lana. Donc le cheikh il dit, si Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de réfléchir sur le Coran, hein, Ça veut dire qu'on peut comprendre sa signification. Sinon, il ne nous aurait pas ordonné de méditer sur son sens. Alors, comment il pourrait nous ordonner de méditer sur son sens si on ne peut pas connaître sa signification? Ça, c'est impossible. Et le cheikh, il dit, ça veut dire que la signification des noms et des attributs, elle est connue. Mais ce qu'on ne peut pas connaître et ce que seul Allah connaît, hein, et ce qu'on ignore des noms et des attributs d'Allah, c'est le kayf, c'est-à-dire le comment, al-kayfiyya. Ça, on l'ignore. Et c'est ça au sujet duquel on dit qu'on ne peut pas le connaître et que c'est seulement Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît, hein, c'est le comment, al-kayf, et non pas al-ma'na, non pas la signification. Et il dit le cheikh, ولهذا يقول الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. Le cheikh il dit que c'est pour ça que l'imam Malik, il dit dans cette parole qui est célèbre de l'imam Malik رحمه الله, que الاستواء يعني le fait que on croit que Allah est au-dessus de son trône, au-dessus de sa création, ça c'est quelque chose qui est connu. Le terme istawa dans la langue arabe, hein, il est connu et on sait ce que ça signifie. Ça signifie ala wartafa'a, ça veut dire s'élever, hein, être au-dessus de quelque chose, monter au-dessus de quelque chose. C'est ça ce que signifie al istawa. Donc ça c'est connu. Mais le comment, c'est-à-dire à propos d'Allah, comment Allah s'élève au-dessus de sa création? Majhoul. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est inconnu. C'est ça qu'on ignore. C'est le comment qu'on ignore. Et non pas la signification de al-istiwa. Et il dit, wal-imanu bihi wajib. C'est-à-dire c'est obligatoire d'y croire. Was-su'alu anhu bid'ah. Et de poser la question à ce sujet-là, c'est-à-dire de poser la question à propos du comment des attributs d'Allah, c'est une innovation, c'est une bid'a. Hein? Puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais posé cette question à propos d'Allah, hein? Il n'a jamais posé non plus la question, et les sahaba non plus n'ont jamais posé la question. Après, le maqsoud bi qawlihi a'lamu al-khalq بما يقول الى اخره هو الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc quand il dit ici que en particulier si on sait que la personne qui a parlé, hein, à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la plus savante, c'est-à-dire le messager sallallahu alayhi wa sallam. فالرسول صلى الله عليه وسلم افصح الناس والمبتدع فالمبتدع الذين يقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم أراد معنى آخر نقول لهم الرسول صلى الله عليه وسلم أفصح الخلق ولو أراد المعنى الآخر لبينه ولكان يمكنه أن يقول معنى استوى أي استولى ولكن هل الرسول صلى الله عليه وسلم كما تزعمون أراد من الناس أن يتفهموا ويتأملوا ليخترعوا معاني أخرى هذا من أبطل الباطل. Donc le cheikh Al-Rajhi, il dit, le messager, sallallahu alayhi wa sallam, c'est la plus éloquente de tous les hommes. C'est-à-dire c'est le plus éloquent de tous les hommes. C'est-à-dire qu'il sait comment s'exprimer, il sait comment parler. Et quand il parle à propos d'Allah, personne ne parle mieux à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala que lui, parmi les créatures. Donc, les mubtadi'a qui disent que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala quelque chose, ils disent il a voulu une autre signification que celle qui est mentionnée ou que celle qui est utile, qui est employée, hein, que celle pour laquelle le terme est habituellement employé dans la langue arabe, hein, donc ils essaient de déformer la signification de l'attribut ou du terme. Eh bien, le cheikh dit, nous leur disons que le messager, sallallahu alayhi wa sallam, est la créature la plus éloquente. la plus explicite, la plus claire dans sa façon de s'exprimer, hein, et en particulier à propos de la religion et à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit, et s'il aurait voulu une autre signification que celle qui est connue, il l'aurait expliqué, il l'aurait dit, il l'aurait expliqué, et cela aurait été possible pour lui. Il n'y a rien qui l'aurait empêché de le dire, hein. Par exemple, il aurait dit à propos du terme istawa, hein, il aurait dit, c'est-à-dire, ça signifie istawla, mais il n'a jamais dit ça. C'est-à-dire que chaque fois qu'il mentionnait les versets dans le Coran et chaque fois qu'il parlait de al-istiwa, il n'a jamais dit ça veut dire istawla, hein, ça veut dire avoir le pouvoir ou contrôler le trône ou avoir le pouvoir sur le trône. Il n'a jamais dit ça, hein. Et donc le cheikh il dit, mais est-ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam, tel que vous le prétendez, a voulu de la part des gens qu'ils comprennent ou qu'ils inventent, hein, qu'ils méditent sur les sens des attributs pour qu'ils inventent d'autres significations par eux-mêmes avec leurs imaginations? Le cheikh dit ça, c'est la chose la plus fausse, hein, la plus grande des faussetés. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle de façon explicite et claire. Et s'il voulait dire istawla, il l'aurait dit, mais il ne l'a jamais dit. Donc, d'où est-ce que vous êtes sorti avec ces significations fausses? C'est ça la question qu'on pose à ces gens-là. Et, naam, donc ça c'est, qu'est-ce que le cheikh Al-Rajih a expliqué ici à ce sujet-là. Et il dit ensuite, il dit, وَكَذَلِكَ مَنْ يَقُولُ لَمْ أَعْرِفْ الْمَعْنَى فيفوض المعنى إلى الله، فهذا القول باطل، باطل أيضا، لأن الله قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، وقال أفلا يتدبرون القرآن، ولم يقل إلا آية الاستواء فلا تتدبروها، فالمعنى معروفة، وكذلك الألفاظ معروفة، ولكن الكيفية هي التي تفوض إلى الله كمثل كيفية الاستواء وغيرها من الصفات. Donc le cheikh il explique et il dit que la même chose aussi pour celui qui dit je ne connais pas la signification des attributs, hein, mais je remets la connaissance de la signification à Allah, c'est-à-dire je remets la connaissance de la signification à Allah, dans le sens que c'est seulement Allah qui connaît qu'est-ce que ces attributs-là signifient ou qu'est-ce que le terme istawa signifie. Donc le cheikh dit ça c'est faux, ça c'est une parole fausse. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذْلِكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرِ, c'est-à-dire nous avons facilité, hein, le Coran pour le rappel du Coran, on l'a facilité. Et est-ce qu'il y a donc quelqu'un qui veut se rappeler, hein? Et il a mentionné le verset dans, ça c'est dans Surat Al-Qamar, le verset 17, et dans Surat An-Nisa, le verset 82. Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ. Et aussi, il est mentionné dans Surat Muhammad, hein, où Allah subhanahu wa ta'ala dit أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا, ne vont-ils pas méditer sur le Coran ou bien il y a des cadenas sur leur cœur. Donc c'est un appel à réfléchir et à méditer sur les sens des versets. Donc si on ne pouvait pas savoir, yani il nous aurait pas ordonné de méditer sur le sens. Et le cheikh il dit, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas dit méditer sur les versets du Coran excepté sur le terme istawa ou bien sur al-istiwa. Ne méditez pas sur al-istiwa, parce que yani le cheikh dit les significations de ces attributs-là sont connues dans la langue arabe, de même que les termes et les mots et les verbes et les noms sont connus dans la langue arabe à ce sujet-là. Hein? Mais ce qu'on ne connaît pas et ce dont on fait le tafwid, c'est le comment, al-kayfiyya. C'est ça qu'on renvoie à Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est à ce sujet-là qu'on dit qu'on ne sait rien ou qu'on ne connaît pas le commun, excepté Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le commun. Donc, ça c'est la position des salaf à ce sujet-là. Il dit, مثل كيفية الاستواء, comme le كيفية par rapport à l'istiwa. On ne sait pas comment Allah s'est élevé sur son trône. On ne sait pas le commun. Hein? De même que les autres attributs. Mais on l'affirme et on sait la signification de l'istiwa. Hein? On affirme ça. Mais le commun, non, on ne peut pas savoir. Donc ça, c'est... qu'est-ce qui a été dit à ce sujet-là? Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, puis... ou bien, attendez. Ok, c'est ça. Donc, on va lire une autre page, un petit passage encore, puis on s'arrête. On s'arrête après celui-là. Donc, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, il dit: وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, hein, malgré cela, il n'y a rien qui lui est comparable, il n'y a rien comme lui. Et Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, Allah subhanahu wa ta'ala, له أسماء وصفات. والمخلوقون لهم أسماء وصفات. ولكن لا تشابه بين صفات الله وصفات خلقه كما أن الله له ذات لا تشبه ذوات المخلوقين فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبه أسماء وصفات المخلوقين لأن الأسماء والصفات تتبع الذات الموصوفة بها فكما أن ذاته لا يعلم كيفيتها إلا الله أو لا يعلم كيفيتها إلا الله فكذلك أسماؤه وصفاته لا يعلم كيفيتها إلا الله لا يعلم كيفيتها إلا الله فالكلام في الأسماء والصفات مثل الكلام في الذات. Donc le Cheikh, il explique cette parole de l'imam Ibn Taymiyyah. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms et des attributs. Et les créateurs ont des noms et des attributs. Hein? Et comme le dit Cheikh Mohamed Aman al-Jami à ce sujet, il dit, la seule ressemblance qu'il y a est dans les termes absolus qui sont employés. Hein? Mais pas dans la réalité de l'attribut elle-même. Puisque l'attribut, elle est selon la chose de laquelle on a, hein, l'attribut, elle suit la chose à laquelle elle est attribuée. C'est-à-dire que quand on dit par exemple une main, hein, et qu'on l'attribue à rien du tout, hein, donc ça reste quelque chose d'abstrait, quelque chose d'absolu, une main, hein, des yeux, une science, hein, ou bien une voix, une science, un oui, c'est des choses absolues. Mais quand on la rattache ou on l'associe à quelque chose ou à quelqu'un, c'est là qu'elle prend, hein, sa signification, c'est là qu'elle devient réelle. Par exemple, on va dire la main d'un animal, la main d'un être humain. Là, on comprend de quoi on parle. Et quand on dit la main d'Allah, là, on sait que tout de suite, c'est différent de la main des créatures. La même chose que quand on parle de la main d'un singe, on sait que c'est pas la même chose que la main d'un être humain. Hein? Et la même chose pour la face. On parle... de la face d'une pièce de monnaie, ou la face d'un immeuble, ou la face d'un animal, ou la face d'un poisson, ou la face, hein, d'un être humain. C'est différent. Il n'y a pas de ressemblance entre ces différentes faces. Et quand on parle de la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, encore, ce n'est pas la même chose. elle est spécifique et particulière à Allah. Donc chaque chose, elle est particulière à la chose à laquelle elle est rattachée, à laquelle elle est attribuée. C'est pour ça que le cheikh, il explique ici, il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a des noms et il a des attributs. Et les créatures ont des noms et ils ont des attributs. Mais il n'y a pas de ressemblance entre les attributs d'Allah et les attributs de sa création. Les attributs d'Allah sont les attributs d'Allah et les attributs des créatures sont les attributs des créatures. Et elles correspondent aux créatures. Et les attributs du créateur correspondent au créateur. Il n'y a pas de comparaison possible ou de ressemblance possible entre les deux, puisque les deux sont différents. Hein? Et le cheikh, il dit, de la même manière que Allah subhanahu wa ta'ala, il a une personne, il a un être qui est différent de l'être des créatures, eh bien, ses noms et ses attributs également ne ressemblent pas aux noms et aux attributs des créatures. Hein? Donc, il y a cette règle que les ulama ils mentionnent souvent, les ulama ils disent ça souvent, les salafs ils disent ça, ils disent, la parole à propos des attributs, c'est la même chose que la parole à propos de l'être et de la personne, hein, d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, est-ce que tu sais comment est Allah? Non. Donc, si tu ne sais pas comment est Allah, tu ne peux pas savoir comment sont ses attributs non plus. Hein? Donc, c'est la même chose. Hein? C'est la même chose. Ça suit, les attributs suivent la personne à laquelle ces choses sont attribuées. Et si tu ne peux pas, si tu ne sais pas comment Allah est, tu ne peux pas savoir non plus comment sont ses attributs. Hein? Et il dit donc, donc il dit, فكذلك أسماؤه وصفاته لا تشبع، okay؟ لأن الأسماء والصفات تتبع الذات الموصوفة بها. Donc les noms et les attributs suivent la lettre à laquelle elles sont attribuées. Donc de la même manière que tu sais pas l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu sais pas comment Allah est lui-même, et donc tu ne peux pas savoir non plus comment sont ses noms et ses attributs. Hein? Et que personne ne peut savoir le comment des noms et des attributs d'Allah, excepté Allah lui-même. Donc, la parole au sujet des noms et des attributs est la même que la parole à propos de Allah lui-même. Et c'est ça qui est important de comprendre. C'est pour ça que, même si, par exemple, on dit, oui, les êtres humains, ils ont une main. Et Allah, il a une main. Hein? Du moment que tu dis Allah, il a une main, et que les créatures ont une main, tu sais que tout de suite qu'il y a une différence entre les deux. Hein? Parce que c'est pas pareil. Par exemple, la science. C'est-à-dire Allah, il a la science. Hein? Et les créatures, ils ont une science aussi. Hein? Mais c'est pas la même. Il n'y a pas de comparaison possible. La science d'Allah, subhanahu wa ta'ala, elle n'est pas précédée par de l'ignorance. Tandis que la connaissance des créatures, elle est précédée par de l'ignorance. Et elle n'est pas infinie. Et l'être humain, il oublie. Il peut savoir quelque chose puis l'oublier. Tandis qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. Hein? La yadillu rabbi wa la yansa. Hein? Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il n'oublie pas. Hein? Et donc, c'est pour ça que il n'y a pas de comparaison. Laysa kamithlihi shay. Ensuite, Cheikhul Islam Ibn Taymiyyah il dit: ولا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه وصفاته ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقية وله أفعال حقيقية، فكذلك له صفات حقيقية. وهو ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة فإنه سبحانه مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه ويمتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستلزام الحدوث سابقه العدم والافتقار المحدث إلى محدث ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه وتعالى. Donc cette partie-là, on va la traduire la semaine prochaine, inshallah. La parole de Cheikh al-Islam, parce qu'il y a beaucoup de termes ici qui nécessitent des clarifications. Donc on s'arrête ici pour aujourd'hui, puis au prochain cours on expliquera ce passage-là. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.